One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wassalam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Frères et sœurs en islam, on continue toujours avec le tafsir détaillé avancé de sourate An-Najm. Et dans la ayah numéro 13, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle et nous dit subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Et il l'a vu. لَقَدْ. لَقَدْ ici c'est pour le tahqiq, certes, il n'y a aucun doute là-dessus. لَقَدْ رَآهُ. Il, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça ce que le contexte nous indique, nous parle de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu. رَآهُ, il a vu lui نَزْلَةً أَيْ مَرَّةً. Une fois, le mot nazla, ça peut vouloir dire une descente. يَدُلُّ عَلَى هُبُوطِ شَيْءٍ وَوُقُوعِهِ. Ça veut dire aussi un événement. Une fois, comme on dit dans le fiqh, dans la jurisprudence de l'islam, les ulama, ils utilisent l'expression nazila. Nazila, c'est un événement spécial, un événement nouveau qui a besoin d'une réponse des juristes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ça, c'est halal, c'est haram? Quelle est la réponse? Quelle est la position de l'islam là-dessus? On appelle ça l'inawazil, nazila, quelque chose qui vient de descendre, un événement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu une autre fois. Ay laqad ra'a Muhammadun Jibrila marratan ukhra ala suratihi al-haqiqiyya. Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril alayhi salam sous sa vraie forme une deuxième fois. Donc on a dû la première fois, c'était où? À l'extérieur de Mecca, proche de Hira. C'est là où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril alayhi salam sous sa vraie forme. La deuxième fois, comme il dit ici, al-Tha'labi 'inda sidratil muntaha fi as-sama', au plus haut des cieux. Comme va nous expliquer la ayah après bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنَ السَّلَفْ عَائِشَ بْنُ مَسْعُودِ أَبُو هُرَيْرَ. C'est l'opinion de plusieurs grands savants de l'islam. Et il y a une autre opinion qui dit que, non, ici, ça dit plutôt que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah ta'ala par son cœur une deuxième fois. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا. Mais bon, l'opinion de la majorité sur laquelle on va se concentrer, inshallah ta'ala, qui est celle qui a quelque sorte en accordance avec le siyaq, avec le contexte des ayats, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril alayhi salam sous sa vraie forme. Alors ici, dans le hadith authentique, Masrouq, il dit, قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. Ici Masrouq, il s'adresse à Aïcha radiallahu anha. Masrouq, c'est l'un des tabi'in. Il dit à Aïcha, ya umma al-mu'minin, oh la mère des croyants, donne-moi juste, est-ce que je peux poser une question? J'ai quelque chose que je n'ai pas compris. أعجليني, أنظريني ولا تعجليني. Juste laisse-moi finir et j'ai juste quelque chose à te poser. N'est-ce pas que Allah Ta'ala, il a dit « وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ » Il l'a vu dans l'horizon le plus clair. « وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى » Ça, c'est la ayah ici dans surat al-Najm. Donc, c'est surat al-Takwir, surat al-Najm. Donc, elle, excusez-moi, lui, Masrouq, l'étudiant ici qui demande à Aïcha radiallahu anha, c'est comme s'il se pose comme question, ça veut dire que Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'il a compris de ces ayats. Okay? Donc, pour lui, Aïcha radiallahu anha, elle a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah azza wa jal, mais lui il récite ses ayats et ça dit qu'il l'a vu. Il a vu qui? Pour lui il a compris qu'il a vu Allah azza wa jal. Alors il dit ici, elle dit Aïcha radiallahu anha, أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je suis la première de cette umma qui a questionné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce verset. Alors qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wasalam en réponse? Innama huwa Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa alayha ghayra hatayn al-marratayn. Il a dit, ça c'est une confirmation claire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous expliquer ces ayats. Il dit alayhi salatu wasalam qu'il s'agit de Jibril. Je ne l'ai vu sur sa vraie forme sous laquelle il a été créé que c'est deux fois. غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. Je l'ai vu en descente du ciel comme ça et que son apparence elle remplissait ce qu'il y avait entre les cieux et entre le ciel et et la terre. Ça veut dire Jibril alayhi salam a rempli tout ce qui était tout l'espace devant le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. طيب un autre point ici que les ulama ils mentionnent wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. La ru'ya, ça se répète beaucoup ici dans sourate An-Najm, des ayats vont venir plus tard inchallah. Il a vu, il a vu, il a vu, il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent les ulama dans ça, il y a ce qui prouve que le mi'raj, l'ascension, kana yaqadatan, il était lors de l'éveil du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, en état d'éveil. فالآيات صريحة في أن بصره رأى ما رآه في الملأ الأعلى. Parce que les ayats nous parlent de al-basar. Ma zagha al-basar wa ma tagha, ça va venir tout à l'heure inchallah. Al-basar, c'est la vision. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce qu'il y a certains savants, l'opinion de certains savants, qui est l'opinion, une opinion faible, qui disent que le mi'raj, l'ascension, ça s'est déroulé dans le sommeil du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qu'il a vu ça dans son manam. C'est clair? Ça, c'est une opinion qui est faible, qui est clairement contraire à ce qui est décrit ici. Parce que de un, si c'était lors de son sommeil alayhi salatu wa salam, les mouchidikins ne vont pas rejeter ça. Les gens dans leur sommeil voient beaucoup de choses qui sont merveilleuses, qui sortent de l'ordinaire. Ça arrive dans le sommeil. Tu dis, moi, dans mon sommeil, j'ai vu hier telle et telle et telle chose. Même ceux qui ne te prennent pas au sérieux, disent, ah, c'est juste un rêve. C'est tout, fini. Mais si les mouchidikins sont en train de se moquer du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il leur a dit qu'il a vu ça, il a vécu ça directement. C'est une expérience réelle, de un. Et de deux, dans le Coran ici, ça se répète « Ra'a, ra'a, ra'a, ra'a, fatumarunahu ala ma yara » Et plus tard, inshallah, ça va venir. On a tout à l'heure, juste avant, on a eu la ayah « Ma kadhab al fu'adu ma » Ra'a le cœur, et après ça, ça va venir Mazar al-Basar ou Amatara. Ça va nous parler clairement de al-Basar, de la vision. Ça va venir dans les ayats après Inch'Allah Azza wa Jal. Donc, aussi, ça, c'est un point qui est important. Ayat numéro 14, Allah Azza wa Jal, il dit Inda Sidrati al-Muntaha. Inda. Inda, c'est pour définir un lieu. Aina kunta al-Bariha. Tu me poses la question. Où étais-tu hier? Je vais te dire, عند والدي, chez mon père. عند, ça veut dire c'est chez, la place où tu étais. كنت عند المحل الفلاني, devant le magasin tel. Donc عند, c'est pour définir un lieu. Allah Ta'ala, il dit عند سدرة المنتهى. Un lieu qui s'appelle سدرة المنتهى. Donc là, c'est quelque chose de très énorme que Allah Ta'ala il nous mentionne dans cette ayah ici. Sidratul Muntaha, c'est un arbre. C'est l'arbre de Sidr. Sidratun, c'est le Sidr, S-I-D-R. En français, ils appellent ça l'arbre du lobe. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez chercher sur Internet. Inch'Allah, vous pouvez trouver tous les détails sur cet arbre-là. Sidr, donc le S-I-D-R. L'arbre du lobe. Sidrat al-Muntaha. Al-Muntaha, c'est la fin, terminus, là où ça se termine. Sidrat al-Muntaha, ça c'est un nom propre, Sidratul Muntaha. Mais c'est un nom propre qui est composé de deux mots. Donc on veut expliquer que veut dire ces deux mots-là avant d'expliquer c'est quoi Sidrat al-Muntaha. Alors ils disent les ulama, « Aïcha jarati nabqin azimatin fauqa samai as-sabi'a » C'est un arbre immense qui est au-dessus du septième ciel. وَالْمُنْتَهَا أَيْ الْإِنْتِهَا Le mot muntaha, c'est la fin. C'est là où ça se termine, ça s'arrête. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Sidratul Muntaha? Les ulama, ils ont plusieurs explications à cela. L'intihai, عِلْمِ كُلِّ عَالِمٍ مِنَ الْخَلْقِ إِلَيْهَا Car la science de toutes les créatures, de toute créature, s'arrête au maximum à Sidratul Muntaha. Ce qui dépasse cet arbre-là de Sidrat al-Muntaha, seul Allah Azza wa Jal, il le connaît. Subhanahu wa ta'ala. Aou l'intihai ma yas'adu min tahtiha wa yanzilu min fauqiha ilayha. C'est comme un point qui fait la distinction entre ce qui descend au-dessus de Sidrat al-Muntaha jusqu'à Sidrat al-Muntaha et s'arrête là. Et ce qui monte vers les cieux ne monte pas plus loin que Sidrat al-Muntaha. C'est la fin. C'est là que ça se termine. أي رأى محمد جبريل عند شجرة نبق عظيمة في السماء تسمى سدرة المنتهى. Que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril la deuxième fois sous sa forme réelle devant cet arbre-là qui est Sidratu al-Muntaha. C'est pour ça dans le hadith authentique qui définit ici l'Isra wal-Mi'raj. Anas radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala thumma dhahaba bi ila Sidrati al-Muntaha. Après ça, on l'a emmené le prophète sallallahu alayhi wa sallam très très haut jusqu'à ce point-là de Sidrat al-Muntaha qu'il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « وَإِذَا وَرَقُهَا كَأَذَانِ الْفِيَلَةِ » Les feuilles de Sidrat al-Muntaha, il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qu'elles ressemblent aux oreilles des éléphants dans leur forme. « وَرَقُهَا كَأَذَانِ الْفِيَلَةِ » فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا غَشِي تَغَيَّرَتْ. Lorsque il y a eu de ce qui est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire les ordres d'Allah azza wa jalla. Quand le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite, il y a eu des choses merveilleuses qui ont entouré cette Sidrat al-Muntaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas décrit en détail. فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun être humain, aucune créature au fait qui peut décrire, qui a la capacité de décrire la beauté de cette Sidratu al-Muntaha. Ça ne se décrit pas par les mots. C'est pour ça qu'il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, « Ghashiyaha ma ghashiyaha ». Ghashiyah, c'est quelque chose qui vient pour entourer une chose. « Ghashiyathumu ar-rahma haffathumu al-malaika ». On dit « ils vont être englobés, entourés par la miséricorde d'Allah Ta'ala ». Ici, « ghashiyaha », même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas décrire par des mots c'est quoi la beauté de cette « Sidratu al-Muntaha ». Et aussi dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, il a décrit encore une fois, c'est long, le hadith de l'Isra al-Mi'raj, c'est un hadith qui est très très long, et c'est dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit entre autres, Al-Bayt al-Ma'mour, dont on a parlé un peu plus tôt, qui est visité par 70 000 anges qui ne reviennent plus jusqu'à la fin des temps. Et il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, فَلَمَّا أَوْ يَدِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا. Il dit عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ, le compagnon ici, que Sidrat al-Muntaha, ce qui descend de ce qui est supérieur à Sidrat al-Muntaha, lorsqu'il descend il s'arrête à Sidrat al-Muntaha, ce qui est inférieur en bas de Sidrat al-Muntaha, lorsqu'il monte il s'arrête à Sidrat al-Muntaha. C'est un point ici qui marque une séparation complète entre ce qui est plus haut et ce qui est plus bas. وَقِيلَ كَأَنَّهَا فِي مُنْتَهَا الْجَنَّةِ. Abu Sa'ud, l'un des mufassirines, il dit aussi une autre option dans l'appellation de Sidrat al-Muntaha, c'est que c'est là où c'est la fin de Al-Jannah au fait. Paradis, c'est aussi Sidrat al-Muntaha. وَقِيلَ يَنْتَهِ إِلَيْهَا أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ. Que les âmes des martyrs, des shuhada, s'arrêtent à Sidrat Al-Muntaha, c'est là où ils ne vont pas plus loin que cela. قال الشربيني إضافة السدرة إلى وقال كعب تنتهي إليها الملائكة والأنبياء. كعب الأحبار, il dit que ce qui s'arrête là aussi c'est les anges ainsi que les prophètes ne vont pas plus loin. Les malaïka alayhi salam et les prophètes s'arrêtent à Sidrat Al-Muntaha. Donc, encore une fois, les ulama, ils parlent beaucoup de ça, de Sidrat al-Muntaha. On ne va pas ici citer toutes les paroles. C'est de faire le sommaire le plus que possible. ذهب أكثر العلماء كما نسبه إليهم القاضي عياض إلى أن Sidrat al-Muntaha في السماء السابعة لا السادسة. Donc, la majorité des savants, ils disent que Sidrat al-Muntaha, elle se situe au septième ciel. Ça, c'est l'opinion de la majorité des savants, comme il dit l'imam Qadi Iyad, rahimahullah. Et l'opinion d'autres savants, Al-Qurtubi ainsi que Al-Nawawi, qui essayent de réconcilier entre les différentes narrations qui sont venues pour décrire cette Sidrat al-Muntaha, إلى أن سدرة المنتهى أصلها في السماء السادسة وأعلاها في السماء السابعة. Que sa racine, son tronc, il est au sixième ciel. Parce que dans certaines narrations authentiques, ça parle du sixième ciel. Donc là, encore une fois, différentes approches pour interpréter les narrations. Soit il y a certains savants qui vont prendre une certaine approche éliminatoire, vu qu'il y a des narrations qui parlent du septième ciel, d'autres qui parlent du sixième ciel, on va privilégier les narrations qui sont les plus authentiques. On va dire c'est le septième ciel. Et les autres, elles sont contraires aux narrations les plus authentiques. On va assumer que c'est une erreur du narrateur. Ou d'autres savants, ils vont faire ici privilégier l'approche de faire la réconciliation. Al-jam'u bayna an-nusus. De concilier entre les différents textes. Et ils vont dire ici que c'est probable que cet arbre-là, il s'étend du sixième ciel vers le septième. Commence le tronc, la racine, c'est au sixième, et il se termine au septième ciel. Wallahu ta'ala, a'lam. Pourquoi cet arbre du lobe, spécifiquement, sidratu? Pourquoi la sidra? Les ulama, ils disent, Allahu a'lam, bien sûr, on ne sait jamais, c'est Allah ta'ala qui fait ce qu'il veut. Mais si on essaye, peut-être, natafahamu ba'd al-hikam, on essaie d'avoir une partie de la sagesse. لأن السدرة تختص بثلاثة أوصاف. Car cet arbre-là de السدرة, du cidre, il a trois caractéristiques. ظل مديد. الظل, c'est l'ombre. C'est un arbre qui vient avec un ombre étendu. Deuxième chose, طعم لذيذ. C'est un arbre qui vient avec un bon goût, qui goûte bien. Troisième chose, وَرَائِحَةٌ ذَكِيَّةٌ, une très belle odeur. Donc c'est un arbre qui est plein de qualités et de choses qui sont positives. فَتَشَابَهَتْ أَوْ فَشَابَهَتْ الْإِيمَانَ. Et de ce fait, elle ressemble avec ces trois qualités, elle ressemble à l'Iman, à la foi. الَّذِي يَجْمَعُ قَوْلًا وَعَمَلًا وَنِيَّةً. Qui est qui peut nous rappeler quelle est la définition de l'Iman, de la foi, les personnes qui étaient avec nous dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, science et sagesse, vous n'avez pas d'excuse de ne pas connaître ça. Pour les autres, vous pouvez vous essayer. Quelle est la définition de l'Iman, de la foi? Jazakallah khair. Qawlun amalun niyyatun. Donc la foi, l'Iman, c'est des paroles, des actions et des intentions. Ça c'est à écrire, à connaître par cœur, pas seulement pour vous, pour chaque musulman. Chaque personne musulmane que vous connaissez, vous avez du temps, tu dis c'est quoi l'iman? Tu ne connais pas c'est quoi l'iman? Voilà, définition de l'iman. Comme les pieux ancêtres, les salafs. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a inventé aujourd'hui. Ça, c'est les salafs sont d'accord sur la définition de l'iman. Et ça, c'est fondé, bien sûr, sur le Coran et la Sunna, que l'iman, qawlun, amalun, niyatun. Parole, action et intention. Alors, il dit ici, فَضِلُّهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَمَلِ لِتَجَاوُزِهِ. L'ombre de cidre, l'ombre étendue de cet arbre-là, il est comparable à l'action. Parce que l'action, c'est quelque chose qui s'étend, qui est externe, prend de la distance. وَطَعْمُهَا بِمَنْزِلَةِ النِّيَّةِ لِكُمُونِهِ. Le goût de cet arbre-là, il est comparable à l'intention qui est dans le cœur. Pourquoi? Parce que le goût, c'est quelque chose de caché. Est-ce que tu peux constater quel est le goût d'un arbre ou d'un fruit ou autre chose avant de l'essayer? Non, c'est avec tu dois aller l'essayer, l'expérimenter pour savoir le goût, ça goûte comment exactement. Kumuni, c'est quelque chose de caché, de dissimulé. C'est comme anniya, l'intention. Wa ra'ihatuha bimanzilati al-qawli lidhuhurihi. Ar-ra'iha, ça sent très très bon, cet arbre-là de cidre. Eh bien, c'est comparable à la parole de l'Iman, parce que la parole, c'est quelque chose qui est apparente. C'est clair. Donc, il y a l'ombre qui est le plus étendue, après ça, l'odeur, après ça, le goût. Donc, certains ulama, ils ont fait ijtihad comme ça, ils ont dit pourquoi cet arbre particulièrement, il a toute cette importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad ra'a na'amakhi. Oui, donc les trois ressemblances avec l'Iman. L'arbre de Sidr, il a dhillum madid, ombre étendue, ce qui est comparable aux actions du croyant. Numéro 2, ta'amun ladidun, un goût très très bon, ça goûte bien. De ce fait, c'est comparable à l'intention qui est bonne dans le cœur du croyant, aux bonnes intentions. Et numéro 3, ra'ihatun zakiyya, belle odeur, comparable aux belles paroles du croyant. Kalima tayyiba. Parce que Allah Ta'ala, bien sûr, dans sourate Ibrahim, Allah Ta'ala, il nous fait la comparaison, l'analogie entre l'iman, la foi, et entre un bon arbre, shajara tayyiba. Kalima tayyiba, ka shajaratin tayyiba. Ça, c'est l'arbre, c'est comme si le iman, c'est un arbre qui s'étend du cœur du croyant vers l'extérieur, vers les actions en tant que telles. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى Oui. الْإِيمَانِ La foi. قَوْلٌ عَمَلٌ نِيَّةٌ Action. Si on va avec le même ordre ici. Parole. Action. Intention. Donc ça, c'est critique. Si on arrive à faire, à apprendre ça, à 50% des musulmans à travers le terre, ça, la terre, ce serait un exploit super impressionnant. Et s'ils vont bien comprendre ça, ça va faire un grand changement dans leur vie. Sans exagération. Il y a l'un des savants, ça remonte à quelques années, l'un des savants bien respecté dans un pays arabe, on l'a invité pour qu'il donne une conférence dans une université. Département des sciences islamiques. Il y a plein d'étudiants de charia. Dans sa conférence, il leur a dit, est-ce que vous connaissez, c'est quoi la définition de Al-Iman ? Je ne connais pas. Étudiants de charia. Alors il leur a dit, Al-Iman, qawlun wa amalun wa niyya. Il a dit, de toute cette conférence, prenez juste ça. Prenez juste ça et assurez-vous de bien que vous avez bien compris ça. C'est la chose la plus importante. Parce que si on ne sait pas c'est quoi l'iman, c'est quoi la foi, toute notre compréhension de ad-din, de la religion, sera biaisée. Comme les gens ils disent, iman, ici, dans la boîte, dans le cœur. Oui, ça c'est une partie de l'iman dans le cœur. Mais ça n'existe pas. Iman cerné juste dans le cœur, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans un état extrême, voire peut-être impossible à exister dans les faits, mais l'état de l'ikrah extrême, ça veut dire si on te force, tu es extrêmement opprimé, tu es menacé dans ton din, etc., et que tu es surveillé pour chaque parole que tu dis, et si tu vas montrer comme ça l'inquisition, si tu vas montrer un grain de islam, on va t'exécuter tout de suite. Et que tu es surveillé pour toutes tes paroles, pour toutes tes actions, en continu, 24 heures, si ça existe dans les faits, ça. Si ça peut exister, là on va dire l'iman, il va être cerné, il va être comme ça, sous siège, contenu seulement dans le cœur. Mais dans la norme, l'iman, ça s'étend à toute la vérité, toute la réalité de l'être humain, incluant ses paroles et ses actions. Alors ici, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit « وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى » Il a vu Jibril alayhi salam une deuxième fois. « أي إِن كُنْتُمْ تَجْحَدُونَ رُؤْيَتَهُ فِي الْأَرْضِ » Si vous êtes en train, si vous remettez en question le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril alayhi wa sallam sur cette terre, à l'extérieur de Mecca, eh bien, imaginez quoi ? Il est encore plus grand que ça. Il l'a vu une deuxième fois, et c'est le lieu, cette fois, c'était pas la terre. C'était « عند سدرة المنتهى » au septième ciel le plus haut. فهذا من الترقي في بيان مراتب الوحي والعطف عطف قصة على قصة تدئ بالأضعف وعقب بالأقوى. Ici on a un عطف. On a commencé. Allah Ta'ala il a cité l'événement le moins majeur et après ça l'événement le plus majeur. Vous êtes surpris de ça? Et encore plus grand que ça. Et là, Allah Azza wa Jalla, il confirme que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril alayhi sallam sous sa vraie forme une deuxième fois. Wa akkadahu bilam al-qasam wa harfi al-tahqiq. Allah Azza wa Jalla, il a mis de l'emphase par le lam ici, qui est harfu qasam, un serment. La qad ra'ahu. Et le qad ici, c'est l'tahqiq, pour la certitude. Certes, qad. Qad ataytu. Certes, je suis venu. Pourquoi? Min ajli ma fi hadha al-khabar min al-gharaba. Vu que, a priori, cet événement semble vraiment étrange. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, il est parti où vers Sidrat al-Muntaha, et là il a vu Jibril alayhi sallam sous sa vraie forme. Allah Ta'ala, il dit que ça, c'est indiscutable, c'est vraiment vrai. Aya numéro 15, Allah Azza wa Jal, il dit « عندها جنة المأوى » que « عندها » là où il y a Sidrat al-Muntaha, qu'est-ce qu'il y a? Il y a « al-Janna » le paradis. « جنة المأوى » le paradis, qui est le paradis de Al-Ma'wa. C'est quoi le mot Al-Ma'wa? Ça vient de la racine ici, Awiya, ou Awaya, yadullu ala at-tajammu'. Le mot Awaya, c'est comme, ça indique un rassemblement. On dit Ma'wa, notre Ma'wa. C'est pour ça que la maison, le refuge, on peut appeler ça quoi? Ma'wa. Où est-ce que tu vas te réfugier aujourd'hui? Aïna ma'waka, quelqu'un il a perdu, il n'a pas de maison, voyageur, il n'a pas trouvé d'hôtel, ainsi de suite. Ma'wahu, où est-ce qu'il va se réfugier? C'est clair? Donc le point de rassemblement, de refuge, de demeure, et là ça parle bien sûr de la demeure finale, jannatu al-ma'wa, janna, le jardin, le paradis de al-ma'wa, du refuge ou bien de la demeure. Comment ils ont traduit ça? Ils ont juste appelé ça ici dans la traduction que j'ai seulement al-ma'wa, ils n'ont pas fait la traduction en tant que telle. وَقِيلَ هِيَ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ تَأْوِي إِلَيْهَا أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ. Certains savants, ils disent que Jannatu al-ma'wa, ça c'est un paradis qui est à droite de l'arche du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel se réfugient les âmes des martyrs. Ils vont dans ce lieu-là qui est Jannatu al-ma'wa. كما قال الله عز وجل كما dans notre ayah dans sourate as-sajda, sourate prosternation, sourate as-sajda ayah numéro 19, Allah Ta'ala il dit amma alladhina amanu wa amilus salihat falahum jannatu al-ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Que ceux qui ont le iman, la foi, et qui font les bonnes œuvres, Allah Ta'ala leur donnera les paradis de al-ma'wa, du refuge, de par leurs actions. Bima kanu ya'malun. Donc ici, soit certains, très très brièvement ici, il y a certains savants qui disent que ça parle ici du paradis, ça veut dire le paradis, al-jannah, pour tous les croyants, que c'est là où ça se trouve. Certains ulama, ils disent que ça parle d'un paradis particulier pour les martyrs, pour les shuhada. Ou il y a une autre opinion ici, qala yuridul jannata allati ya'wi ilayha jibril wal malaika, que c'est un paradis ici qui est consacré aux anges, aux malaika alayhim assalam. Qala wa hadha dalilun ala anna al jannata fi a'la al amakin wa fawqa al sama'i al sabi'a. Donc ça c'est une preuve, si on se fie ici à l'essentiel, que ça parle de, encore une fois, l'opinion principale, c'est que ça parle de Al-Jannah, le paradis. Donc ça, c'est une preuve que Al-Jannah se trouve où? À la hauteur du septième ciel. Sama sabi'a, numéro 1. Numéro 2, dalilun aydan ala anna al-jannata makhlouqatun wa mawjoudatun al-an. Cette ayah, c'est parmi les tant de preuves que le paradis, que Al-Jannah, elle existe maintenant. C'est pas quelque chose que Allah Ta'ala va créer le jour du jugement dernier. Jamna wa an-nar et l'enfer, les textes sont très clairs que les deux existent déjà. Allah Azza wa Jalla les a déjà créés, qui sont présents, préparés. U'iddat lil muttaqin dans notre ayah, dans sourate Al-Imran, que le Jannah est déjà préparé pour ceux qui ont la taqwa, pour les muttaqin. Aussi, très intéressant ici, regardez. On doit faire attention à notre langage qu'on apprend encore une fois par la culture, la société. يستفاد من قوله المأوى أن القبور ليست هي المأوى والمثوى. On comprend de cette ayah aussi que les tombes ne sont pas le dernier refuge en réalité, ne sont pas le ma'wa. Vous savez, les gens, ils disent, il a été, quoi ? Emmené à son dernier refuge. C'est fini. Personne est morte. Il a mathwahu l'akhir. On l'a pris vers sa tombe. C'est fini. C'est là où la personne, elle va s'installer pour de bon. C'est pas vrai. La tombe n'est que un passage temporaire. Al-barzakh. C'est un monde temporaire intermédiaire en l'attente de Al-Qiyam Al-Kubra, de la grande fin du monde. Pas la fin du monde de chacun de nous qui est sa mort. Il y a la grande fin du monde qui est, encore une fois, Al-Sa'a, l'heure. La fin de cet univers, eh bien là, tout le monde va sortir de la tombe. Il n'y aura plus de vie dans la tombe. Et Al-Ma'wa, c'est soit Al-Jannah ou les Iyadam Billah wa Amma Al-Ladina كفروا فمأواهم النار pour les kafirin عياذا بالله leur dernier refuge c'est l'enfer عياذا بالله سبحانه وتعالى donc لأن القبور ممر ومعبر car les tombes ne sont que un passage وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آية numéro 16 إذ يغشى السدرة ما يغشى آية numéro 16 ici يغشى au moment où il y avait des choses qui ont couvert cette Sidratul Muntaha. La Sidra ici, l'arbre du lobe, a été couvert, a été embelli, a été entouré par ce qui l'a entouré. Ma yarsha. Allah Ta'ala ici, il a mentionné quelque chose de vague. Ma yarsha. Il yarsha Sidrata ma yarsha. Ça veut dire, encore une fois, c'est pas quelque chose que nous, on peut comprendre. C'est des choses qui sont merveilleuses. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu autour de cette sidra. Al-Muntaha. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Faghashiyaha alwanun la adri ma hiya. » Il y a eu des couleurs qui ont entouré cet arbre que je ne peux pas décrire. Ça veut dire que c'est des couleurs qui sortent des couleurs habituelles que nous on est habitués de voir. Qu'est-ce qu'il montre aux enfants dans les dessins animés lorsqu'il y a un arbre spécial? Des dessins animés comme ça, plein de contes de fées, de... Afouan? Il y a un bruit de fond. Ok, on va aller de l'autre. Mais en termes de visuel... Des trucs qui sont autour, qui brillent, des lumières. Ok, ça c'est quelque chose de très très présent dans la fiction. Quelque chose de très présent. Un arbre avec des choses qui... D'où est-ce que les êtres humains ont inventé ce genre de choses? Juste comme ça, pourquoi un arbre avec... Ok. Alors, il y a quelque chose, encore une fois, relié à, quelque part, à al-wahy, aux révélations, aux messages des prophètes, alayhi salat wa salam, ainsi de suite. Après ça, bien sûr, il y a des êtres humains qui vont sortir ça du cadre de l'haq, de la vérité, du monde de l'ghaib, à des contes de fées et du n'importe quoi, de la fiction, de la magie, de la sorcellerie, ainsi de suite. C'est clair? Il dit ici, وَقِيلَ غَيْرُ هَذَا الْإِمَامِ إِبْنُ عَطِيَّةَ dans son tafsir, وَقِيلَ غَيْرُ هَذَا مِمَّا هُوَ تَكَلُّفٌ فِي الْآيَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَلَى أَبْهَمَ ذَلِكَ وَهُمْ يُرِيدُونَ شَرْحًا. Donc, encore une fois, si vous lisez dans des livres, dans l'avenir, inshallah, en français ou même en arabe ou autre chose, que Sidratul Muntaha, elle est quoi? C'est quoi sa description? Et qu'il y a telle chose, et tel animal, et tel insecte, ou telle forme autour? Il dit l'imam Ibn Atiyya, rahimahullah, dans son tafsir Muharrar al-Wajiz, il dit que ça c'est du n'importe quoi. Ça c'est des gens qui essayent d'y aller plus loin que ce que le texte il a dit. Allah Ta'ala abham. Allah Azza wa Jal, il a laissé ça quoi? Vague. Et eux, yuriduna sharha, ils veulent expliquer, détailler, sans avoir de référence. Quelque chose qui se trouve au-dessus du septième ciel. Comment je peux moi la comprendre avec ma propre imagination? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a vu des couleurs qui ne sait même pas c'est quoi ces couleurs. La adri ma hiya. Comment est-ce qu'un être humain vient par la suite et il veut faire de la théorie ou de la fiction ou autre chose à propos de ça? ويذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى que dans certaines narrations ça parle aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu autour de Sidrat al-Muntaha, il a vu des anges alayhi salatu wa sallam et qu'il a vu aussi la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala ghashiyaha nuru al-Rabbi subhanahu wa ta'ala. وقال السعدي أي يغشاها من أمر الله تعالى شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. Que ce qui est descendu, ce qui a enveloppé cet arbre-là de Sidrat al-Muntaha, c'est quelque chose d'extraordinaire, de trop grand, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît sa vérité. On appelle ça ici al-ibham, parfois laisser la chose vague. Pourquoi ? Pour at-tafkhim. Parfois on laisse la chose vague parce qu'on ne veut pas partager l'information. Je veux retenir l'information. Ah, j'ai quelque chose qui est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelque chose. Je ne veux pas dire. Ça, c'est pour retenir l'information. Parfois, non. On veut faire référence à ce qui est vague pour montrer que c'est trop grand. Ce que j'ai vu aujourd'hui, quelle journée que j'ai eue aujourd'hui? Quelle journée? Jamais une journée comme ça dans ma vie, quelqu'un va dire. Là, il est en train de parler de façon très vague, on ne sait pas. Mais on comprend tout de suite que c'est quelque chose de très, très spécial, de très important. C'est quelque chose qui est très, très important. On appelle ça ici « ibhamul li at-tafkhim al-ijmali ». C'est pour donner de l'importance de façon vague et de façon comme ça, ouverte. « Wa annahu tadiqu anhu ibaratu al-wasf fi al-lugha ». Que les paroles de la langue ne sont pas suffisantes pour exprimer cette chose. C'est clair ? مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Finalement, inshallah ta'ala, pour finir, pour aujourd'hui, Allah Azza wa Jal, il dit ici, مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Allah Ta'ala nous parle maintenant de al-basar. Al-basar, c'est la vue, la vision. Encore une fois, on a ici deux négations. مَا, non, et c'est ni ça et ni ça. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Remarquez avant ça, au tout début de la sourate, qu'est-ce qu'on avait dit ici à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? مَا, deux fois, c'était quoi? مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ضَلَال. N'êtes pas dans la ضَلَال également. وَمَا غَوَى. Ni ça, ni ça. Ici, مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. La même chose, deux négations, mais cette fois-ci à propos de la vue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, ça c'est pas dans le mawsu'a ici de tafsir, c'est pas dans la référence, mais j'ai entendu l'un des savants dire dans cette sourate ici, au début de cette sourate, si on relit maintenant toutes les ayats du tout début, avec tout ce qu'on a appris, avec ce qu'on va apprendre à propos de cette ayat, Allah Ta'ala, il a cité la perfection de tout à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, sa personne. Et sa connaissance. Il n'est ni égaré, ni dans al-riwaya. Son intention, sa source d'inspiration, il ne parle pas de al-hawa, de ses passions. Allah Ta'ala, il nous parle de la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'elle a vu, c'est propre, c'est clean, comme ça va être mentionné ici dans cette ayah. Allah Ta'ala nous parle du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. مَا كَذَبَ الْفُؤَادِ. Le cœur n'a pas menti, et n'a pas rejeté, n'a pas traité de menteur. Et quand vous allez voir aussi dans cette ayah, ça nous parle du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'éthique, le adab du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça dit ici, مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. Première chose, مَا زَاغَ. أي ما عدل وما مال والزيغ الميل عن القصد. Donc le mot الزيغ, c'est lorsque tu vas dévier. Lorsque tu vas, ça c'est le droit chemin, toi tu dévies. On va dire زيغ, fais un virage comme ça, tu glisses. Quelqu'un glisse, on va dire quoi? زيغ عن الطريق. وما طغى, mais là ça parle pas du prophète صلى الله عليه وسلم, ça parle de sa vue عليه الصلاة والسلام. مَا طَغَى أَيْ مَا تَجَاوَزَ وَزَادَ. الطُغْيَان يَدُلُّ عَلَى مُجَاوَزَةِ الْحَدِ. Le mot طُغْيَان, comment on dit, tagout, tagiyatun. At-tughyan, le mot tughyan, ça fait référence à ce qui dépasse la limite. Tughyan, tagiyatun, tyran. Intéressant comment ça sonne de la même façon, même en français et en anglais. Donc, tagiya, ça vient de tara. Tara, c'est celui qui dépasse la limite. Imna lamma tara al-ma hamalnakum fil jariya. Allah Ta'ala nous parle du grand déluge dans le temps de Nuh alayhi salam. Lorsque l'eau, al-ma tara, ça veut dire il a dépassé la limite normale. Là, c'est le déluge, fois que l'eau dépasse. Donc ici, la vue du prophète sallallahu alayhi salam n'a pas dépassé, n'a pas dévié et n'a pas dépassé. Alors il dit wala tajawaza al-mar'iyya bal waqa 'alayhi wuqu'an sahihan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vision n'a pas dépassé ce que Allah Ta'ala lui a mis devant lui pour qu'il voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu exactement ça. Wa qala ibn al-Qayyim qala ibn Abbas ma zagha al-basar yaminan wa la shimalan wa la jawaza ma umira bihi. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était devant Sidrat al-Muntaha lors de al-Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dévié, ça veut dire qu'il n'a pas regardé à droite ou à gauche, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu ailleurs, plus loin que Sidrat al-Muntaha, il n'a pas cherché à regarder ailleurs que Sidrat al-Muntaha. Alors qu'est-ce qu'il y a ici dans ça? فنفى عن نبيه ما يعرض للرأي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته يمينا وشمالا وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام. الله تعالى nous parle du comportement parfait du prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. Je vous donne un exemple entre deux personnes, quelqu'un qui a le bon comportement et quelqu'un qui n'a pas le bon comportement. Tu invites quelqu'un chez toi. Tu ne le connais pas très bien. Ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton neveu. C'est une connaissance. Tu l'invites chez toi pour qu'il vienne manger. Ton invité. Ça, c'est la porte. Il rentre. Tu dis, viens avec moi. On va aller à la salle du dîner ou au salon. Il y a une salle bien spécifique où la personne peut s'asseoir. C'est préparé pour ça. Alors celui qui a le bon comportement, le bon adab du muslim, la bonne fitra, on t'a invité, tu rentres et tu vas directement, tu vas le suivre. On est d'accord là-dessus? Celui qui n'a pas le bon comportement va rentrer, va commencer à regarder à droite et à gauche. Qu'est-ce que ta maison, elle a l'air de quoi exactement? Là-bas, la chambre, là-bas, c'est quoi exactement? Ah, mashallah. Je peux aller voir là-bas. Je t'ai dit, tu viens, on va aller au salon là-bas. Ah, ok. Ça, c'est zara. Ça dévie vers la droite et vers la gauche. C'est un manque de adab. Ou tara, il dépasse. Quelqu'un qui dépasse. La même chose ici. Tu dis, la nourriture, ça, c'est ton plat, ta faddal. Je te donne un plat, ça, c'est ta nourriture. Celui qui n'a pas le adab, à la place de dire bismillah, oh, regardez l'autre, il mange quoi? Qu'est-ce que tu manges, toi? Ça, c'est un manque de adab. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son regard n'a pas dévié ni à droite ni à gauche. Sa vue, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dépassé les limites. Ce que Allah Ta'ala, il a vu, il a mis devant lui, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a regardé, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici, « Wa fi tilka al-hadrati wa ma hunaka » min al-ajaibi bal qama maqam al-abd. Il dit malgré ici que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est quelque chose de merveilleux. Il voit, il y a tellement de choses ici merveilleuses que quelqu'un qui n'aurait pas le adab aurait essayé de tout voir les autres choses. Mais là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agi auprès d'Allah azza wa jalla maqam al-abd comme un serviteur qui est soumis à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne le droit de faire. Et il ne dépasse pas ça, alayhi salatu wa salam. Ma'a ma fi dhalika min thabati al-ja'shi wa sukuni al-qalbi wa tuma'ninatihi. Avec ce que cela apporte et nous indique à propos de La fermeté du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tranquillité de son cœur alayhi as-salatu wa as-salam. Parce que tout comme certaines personnes le font par manque de respect, d'autres personnes ne le font pas par manque de respect. Ils le font par curiosité et par émerveillement. Barakallahu ta'ala fik. Attendez, est-ce qu'ils ont mentionné ça ici? S'ils ne l'ont pas mentionné, je vais l'ajouter, ok? Je viens de me rappeler de ça, donc ils ne l'ont pas cité ici. Certains ulama, ils ont comparé entre ce niveau très très élevé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et entre Moussa alayhi wa sallam, qui malgré qu'il est un noble messager d'Allah azza wa jal, mais Moussa alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on a dit? Tellement il était émerveillé que lui, il ne pouvait pas se retenir. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. Il a dit, oh mon Seigneur, permets-moi de te voir. Est-ce que je peux te voir, ya Allah? Allah ta'ala lui a dit, لَنْ تَرَانِي. Tu ne vas pas me voir. Vous voyez, Moussa alayhi salam, ici, ce n'est pas hachahu alayhi salam, ce n'est pas par manque de adab. Donc, parfois, la personne, elle veut dépasser ce qu'on lui a donné le droit de faire par émerveillement. La personne est trop émerveillée. Allah Azza wa Jalla lui a parlé. Maintenant, il aspire vers mieux. Il veut, est-ce que je peux te voir, ya Allah? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a un statut encore plus élevé que ça. Il n'a pas demandé à Allah subhanahu wa ta'ala plus que ce que Allah azza wa jalla lui a donné. Ma zagha al-basar wa ma tagha. Alors il dit ici, bal kanat lahu al-iffatu as-sadiqah al-mutawassitatu bayna ash-sharahi wa az-zahada ala atam qawanin al-'adl. Écoutez ça, al-Biqa'i aussi, il dit quelque chose de très intéressant entre zagha et entre tagha. Parfois aussi, celui qui dévie à droite et à gauche, c'est un signe de manque d'intérêt. Az-zahada. Je trouve comme ça, comme on le fait toujours, bien sûr. C'est le monde dans lequel on vit. Je trouve... Je vois une vidéo intéressante sur Internet. Okay, je l'ai trouvée quelque part. Je l'ai sur mon téléphone. Je dis à quelqu'un, regarde, Akhi, je suis... trop excité, je veux vraiment lui montrer ça. Et moi, je lui regarde ça et lui, il est en train de regarder ailleurs. Il parle avec quelqu'un. Ça, c'est quoi? Il commence à regarder après 10 secondes, mais là, il commence à regarder ailleurs. Ça, c'est un signe de manque d'intérêt. Il n'est pas intéressé. Zahada. Ce que tu montres ici, ce n'est pas intéressant. Ou, parfois, non. La personne, elle est trop intéressée. Je te dis, montre-moi encore une fois, je regarde. Est-ce que tu peux faire un zoom? Ok, donne-moi ton téléphone. Ouvre le compte là. Est-ce qu'ils ont d'autres vidéos? Là, ils dépassent. Ils vont aller plus loin. On appelle ça quoi? Sharah. Trop, la personne a trop d'intérêt. Donc, c'est soit un manque d'intérêt. On se détourne à droite ou à gauche. Ou parfois, c'est trop d'intérêt. Alors, l'imam al-Biqa'i, rahmahullah, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le juste milieu. Ni il a fait preuve de manque d'intérêt en regardant à droite ou à gauche. Ni il a fait preuve, alayhi salatu wa sallam, d'un intérêt excessif au point de vouloir voir ce que Allah Ta'ala n'a pas mis dans lui. Il dit ici ma kadhaba al-fu'ad ma ra'a, pour finir inshallah Ta'ala avec ces deux ayats, ma kadhaba al-fu'ad ma ra'a, le cœur n'a pas démenti, n'a pas rejeté et n'a pas menti, et ma zagha al-basar wa ma tagha, la vue n'a pas dévié, n'a pas transgressé, n'a pas dépassé les limites. Dalalatun ala shiddati al-wuslati wa al-irtibati bayna al-qalbi wal-basar. Alors prenez ça comme dernière leçon pour aujourd'hui, inchallah, très intéressante sur la psychologie humaine selon le Coran, qui va plus en profondeur que ce que les êtres humains peuvent comprendre. Allah Ta'ala nous donne ici une indication sur le lien très très fort entre les yeux, la vue, et entre le cœur. Al-basar wa al-fu'ad. Les ulama, ils disent que les yeux, c'est la porte vers le cœur. C'est la porte vers le cœur. وَلِهَذَا يَقْرَأُ الْإِنسَانِ مَا فِي قَلْبِ الْآخَرِ مِنْ عَيْنِهِ. C'est pour ça qu'on peut lire parfois ce qui est dans le cœur de quelqu'un de par ses yeux. On peut voir dans ses yeux qu'il est effrayé. On peut voir dans ses yeux qu'il est méfiant. On peut voir dans ses yeux qu'il est malhonnête. Ça dépend de la situation. Donc, al-aynu dalilul qalb, wal-aynu babu al-qalb, comme les ulama ils disaient. Et la ayah juste après, qu'on va expliquer la prochaine fois, inshallah ta'ala. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des signes de son Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, les signes les plus des signes des plus grands, min ayat rabbihi al-kubra, les grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça sera avec cette ayat, le 18e ayat, que ça sera la fin de un bloc ici de sourate An-Najm. Parce que très souvent dans les sourates, bien sûr, il y a des blocs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement dissociés, mais il y a des blocs dans un certain contexte, un siyar, après ça, ça passe à un autre contexte, et ainsi de suite. Encore une fois, dans notre prochaine séance, Inch'Allah Azza wa Jal, on parlera de la ayah numéro 18. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.